Sous-titrage Société Radio-Canada. senses. Hail majestic corporate light, with a coat of arms and human rights. I'm in the system, nervous system. Thank you. Bonsoir, bienvenue à l'émission Les Échangeurs d'air à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec. Ici Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des musiques. Alors vous avez entendu dans le premier bloc Third Stream du groupe montréalais Sons, cet extrait de l'album The Witness, un album qui est paru en 2021. Ça a été précédé par Fractals for Any Tonality, d'un autre groupe montréalais, Esmerine, cet extrait de l'album Everything Was Forever Until It Was No More, un album paru un peu plus tôt cette année. Ça a été précédé par The Future Indefinite, du musicien montréalais et aussi membre du groupe Sons, Ben Chemi. Cet extrait de son album Desiderata, un album qui est paru aussi un peu plus tôt cette année. C'était précédé par A Note of Ash in the Terrible Dark du duo montréalais Alder and Ash. Cet extrait de l'album The Crown Eater, un album paru en 2019. Juste avant, vous avez entendu la pièce Fleuve numéro 1 de Opan. Opan, c'est la dernière incarnation de la regrettée Geneviève Gosselin, mieux connue sous le nom de Geneviève Castrée et aussi Volve. Elle est décédée en 2016 d'un cancer fulgurant. Geneviève Gosselin était une musicienne, illustratrice et bédéiste originaire de Loretteville. On a débuté ce bloc avec la pièce Fleuve 5 de Flore Laurentienne, le projet de Mathieu David Gagnon. C'est extrait de son album Volume 2, un album paru un peu plus tôt cette année. Après la pause, Arthur Satan. À l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Je vous rappelle que si vous avez des questions sur le contenu musical de cette émission, vous pouvez consulter notre blog dont le lien est disponible dans le site web de CKRL. Alors, je vous ai proposé dans ce deuxième bloc Sediment Swing, des Allemands Pretty Lightning, cet extrait de l'album Dust Moves, un album paru un peu plus tôt cette année. Ça a été précédé par la pièce Islands Song, d'un autre groupe allemand, AUA, avec la participation de la chanteuse Annika. C'est extrait de l'album The Damaged Organ, un album aussi paru un peu plus tôt cette année. Ça a été précédé par Past Navigator du musicien néerlandais Jaco Gardner. C'est extrait de son album Somnium, un album paru en 2018. Et on a débuté le bloc avec Summer du français Arthur Satan. C'est extrait de l'album So Far So Good, un album paru en 2021. On enchaîne avec le groupe norvégien Action and Tension and Space. We'll be right back. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Vous avez entendu dans ce troisième bloc You Got the Blues du groupe new-yorkais Wah Together. C'est extrait de l'album Let's Wah Together, un album paru un peu plus tôt cette année. Ça a été précédé de des Gluckenchen on Gluckenchen, des Allemands Sankt Otten. C'est extrait de l'album Symmetry und Wahnsinn, un album aussi paru un peu plus tôt cette année. Et on a débuté le bloc avec la pièce Schweppes and Koskenkorva du groupe norvégien Action and Tension and Space. C'est extrait de l'album Tellus, un autre album paru un peu plus tôt cette année. Après la pause, le pianiste et compositeur canadien d'origine ukrainienne Lubomir Melnik. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et c'est l'émission Les Échangeurs d'air. Alors, vous avez entendu dans ce bloc dédié à la musique minimaliste la pièce Salerne de Soft Verdict. Soft Verdict, c'est nul autre que le pianiste et compositeur belge Wim Mertens. C'est extrait de son album Struggle for Pleasure, un album paru en 1983. Ça a été précédé par Celestial Valley, du compositeur américain Terry Riley. C'est extrait de son album Shri Camel, un album paru en 1980. Ça a été précédé par la pièce Adamantine Sonata, de la compositrice française naturalisée américaine Elodie Lawton, de son vrai nom Geneviève Chekroun. C'est extrait de l'album compilation Piano Works Revisited, un album paru en 2010. Et on a débuté ce bloc avec Marginal Invitation, une pièce de 1983, composée et interprétée par le pianiste canadien d'origine ukrainienne Lubomir Melnik. C'est extrait de l'album Three Solo Pieces, un album paru en 2013. Pour toute question sur notre choix musical, vous pouvez consulter notre blog dont le lien apparaît dans le site web de CKRL. Après la pause, l'ensemble montréalais Bruire. Thank you. C'est déjà tout pour l'émission Les Échangeurs d'air de ce soir. Vous étiez en compagnie de Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des musiques. Vous avez pu entendre dans ce dernier bloc la pièce Frontier de la formation montréalaise Fly Pan Am. Cet extrait de l'album Frontera, un album paru en 2021. Ça a été précédé par Des Courants, une pièce composée par Hervé Birolini, interprétée par Ensemble d'oscillateurs, ensemble dirigé par le musicien et professeur de musique électroacoustique Nicolas Bernier. Cet extrait de l'album 5 Directions, un album paru un peu plus tôt cette année. Juste avant, vous avez entendu la pièce Talon d'Achille du musicien montréalais Bernard Falaise. Cet extrait de son album Do, un album paru en 2000. Bernard Falaise collabore régulièrement avec les groupes Myriador, Klaxon Gueule et Papa Boa, entre autres choses. On a débuté ce bloc avec la pièce Eva Vassa de l'ensemble montréalais Bruire. C'est extrait de l'album Les Fleurs de Léo, un album paru en 1992. Bruire, c'est le projet de Jean de Rome et Michel F. Côté, assisté de Claude Lamotte, René Lucier et Ikou Mori. Alors c'est tout pour nous ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à la semaine prochaine.